Raffles cambrioleur amateur par Ernest William Hornung, gentleman et professionnel. Que cet excellent Raffles fût ou non un criminel de haute volée, il y avait en tout cas une chose certaine, au jeu de cricket il était hors de pair. Crosseur remarquable, champion brillant, le meilleur serveur de sa décade, il ne prenait pourtant que peu d'intérêt au jeu en général. S'il ne manquait jamais d'aller au club des Lords, sans emporter son sac de cricket, il se préoccupait médiocrement du résultat des matchs dans lesquels il n'était pas engagé. Non par égoïsme, mais pour le motif, disait-il, que la partie ne provoquait pas en lui un grand intérêt et qu'il préférait réserver pour d'autres occasions son enthousiasme. « Le cricket, ajoutait-il, est comme tout le reste, un sport passable jusqu'au moment où on en a découvert un meilleur. » L'excitation qu'il donne n'est rien comparée à une autre que nous connaissons en Bunny, et il ne soutient pas la comparaison. Cependant, ce jeu vous empêche de vous rouiller, et chercher toujours le faible de l'adversaire est un exercice d'intelligence tout indiqué. Après tout, il y a peut-être quelques rapprochements à faire entre les deux choses. Toutefois, je renoncerai dès demain au cricket Bunny si ma réputation à ce jeu n'était pour moi une glorieuse sauvegarde. « Comment ? » dis-je. « Cela vous met en vue, il me semble, plus qu'il ne convient pour votre sécurité. Mon cher Bunny, c'est justement ce qui vous trompe. Pour pouvoir commettre des crimes en toute sécurité, il faut, voyez-vous, exercer parallèlement une carrière bien en vue. Et plus elle sera en vue, meilleure elle sera. C'est le principe indiscutable. Monsieur Peace, de pieuse mémoire, désarmait tout soupçon en se créant une réputation locale comme joueur de violon et dresseur d'animaux, et j'ai l'intime conviction que Jack l'Éventreur était quelque homme politique éminent, dont les discours étaient reproduits dans les mêmes colonnes que ses atrocités. Afficher un programme qui frappe tous les regards, personne n'ira soupçonner que vous en exécutez en secret un tout autre aussi vaste. C'est là le motif qui m'empêche de jeter mes crosses au feu, et c'est également pour cela, mon cher ami, que je voudrais vous voir faire du journalisme et signer tous les articles que vous pourriez. Cependant, quand il jouait, aucun champion ne se donnait plus au jeu que lui. Aucun joueur ne luttait davantage pour son équipe. Je me rappelle encore ses succès. C'était un bonheur pour moi de l'accompagner à toutes ses parties, de guetter les balles qu'il lançait, recevait ou ramassait, et de causer avec lui dans la tribune quand il était inoccupé. Le premier lundi de juillet, on n'eut pu nous voir assister côte à côte à un match fameux entre l'équipe des Gentlemen of England contre celle des professionnels. Je dis nous voir, mais non nous entendre, car Raffles, n'ayant pas mis d'enjeu, était de très méchante humeur. Avec moi, il n'était que taciturne, mais il se montrait plutôt brusque avec les personnes qui lui demandaient pourquoi il ne prenait point part au jeu, ou qui s'aventuraient à le plaindre. Il restait là, avec son chapeau de paille baissé, la cigarette aux lèvres. Je fus en conséquence fort surpris quand un jeune élégant vint se glisser entre nous deux, et fut, malgré la liberté qu'il prenait, accueilli par lui avec la plus grande politesse. Je ne connaissais même pas de vue le jeune homme. Raffles ne nous présenta pas l'un à l'autre, mais je me rendis compte, par la façon dont ils s'étaient abordés, qu'ils se connaissaient tout au moins superficiellement. Néanmoins, la familiarité du jeune homme ne manqua pas de me surprendre. Je fus absolument renversé lorsque celui-ci déclara à Raffles que son père désirait faire sa connaissance et que Raffles acquiesça de bonne grâce à ce désir. « Il se trouve, fit le jeune homme, dans la tribune réservée aux dames. Voulez-vous venir dès maintenant ?»« Avec plaisir, » dit Raffles. « Gardez-moi donc ma place, Bunny. » Et ils s'éloignèrent. « C'est le jeune Crowley, » dit une voix derrière moi. L'année dernière, il faisait partie de l'équipe de Harrow. Je me souviens de lui. C'était le plus faible de toute l'équipe. C'est pourtant un fervent du cricket. Il est resté au collège jusqu'à 20 ans pour emporter les couleurs. Son père l'y obligea. C'est un gentil garçon, oui, très gentil. La partie commençait à m'ennuyer car j'étais venu simplement dans le but de voir jouer Raffles. J'attendais impatiemment son retour et enfin je l'aperçus qui me faisait des signes par-dessus les balustrades de droite. « Il faut que je vous présente au vieux Hammerstaff, » murmura-t-il quand je l'ai rejoint. On jouera cricket chez lui le mois prochain pour fêter la majorité du jeune Crowley, et nous devons y aller tous les deux. Tous les deux ? Répétai-je. Mais je ne joue pas au cricket. Taisez-vous, dit Raffles, et laissez-moi faire. Je viens de mentir jusqu'à la gauche, ajouta-t-il d'une voix sépulcrale, tandis que nous descendions l'escalier. Je compte sur vous pour ne pas me contredire. Lord Amherstess était un bel homme, à la moustache courte, au double menton. Il me reçut avec une politesse un peu froide ou percée de l'ennui. « Je me suis permis, dit Lord Amherstess, de demander à l'un des gentlemen of England de venir à la campagne, le mois prochain, faire en amateur quelques parties de cricket. Et il a eu l'amabilité de me dire que ce sera avec le plus grand plaisir si vous n'aviez pas projeté une partie de pêche. Mister... » Et enfin, Lord Amherstess parvint à se rappeler mon nom. Évidemment, on m'acceptait en qualité d'inimitable compagnon de l'inestimable Raffles. Je saluais, je remerciais, mais intérieurement je pestais contre mon ami. C'était, bien entendu, la première fois que j'entendais parler de cette prétendue partie de pêche, mais je ne manquais pas de répondre qu'on pouvait facilement la reculer. Raffles m'approuva d'un coup d'œil. Lord Amherstess salua négligemment. « Vous êtes bien aimable, dit-il. Mais vous jouez vous-même au cricket, il me semble. »« Il joua au collège, dit Raffles, avec son infâme promptitude. » « Je n'ai jamais été bon joueur, murmurai-je. »« Vous faisiez partie de l'équipe des 11 ?» demanda Lord Amherstess. « Pas précisément, » répondis-je. « Mais vous étiez bien sur la limite, » déclara Raffles à ma grande bonté. « Nous ne pouvons pas tous jouer comme les gentlemen of England, » dit Lord Amherstess avec entrain. « Mon fils Crowley est entré tout juste dans l'équipe de Harrow, et pourtant il va jouer. Et moi-même, si cela est nécessaire, j'en ferai peut-être autant. » « Si vous n'êtes pas très adroit, vous ne serez donc pas le seul et je tiendrai pour très agréable que vous consentiez à accompagner votre ami. Vous pourrez même, dans le cas où vous en auriez le désir, pêcher avant déjeuner et même après dîner. »« Je serai très fier, » commençai-je, me préparant déjà résolument à m'excuser, mais le regard de Raffles se fixa sur moi, j'hésitais et me sentis perdu. « Allons, c'est entendu, » dit Lord Amherstess avec une nuance de mauvaise humeur. Notre fête, qui est destinée à célébrer la majorité de Crowley, ne durera qu'une petite semaine. Nous aurons l'équipe des Free Foresters, des gentlemen du Dorsetshire, et peut-être quelques équipes de la localité. Du reste, Mr. Raffles vous racontera tout cela, et Crowley vous écrira. Je compte sur vous deux. Et après m'avoir adressé un léger salut, Lord Amherstess se leva et se dirigea vers le passavant. Raffles se leva également. Je saisis la manche de son tricot. « À quoi pensez-vous ? » lui demandai-je avec colère. « Je n'ai jamais été sur le point de faire partie d'aucune équipe. Je ne connais rien au cricket. Il va falloir que je me tire de ce guépier. »« Non pas, » me répondit-il. « Vous ne serez pas obligé de jouer, mais il faut que vous veniez. Attendez-moi après 6h30 et je vous dirai pourquoi. » Je le devinais bien, le pourquoi, et j'ai honte de l'avouer. Je me sentais moins révolté à cette idée qu'à celle de me rendre ridicule sur une pelouse de cricket. Ces dernières pensées me bouleversaient plus que celles d'un crime, et je me promenais sur le terrain en proie à la plus vive inquiétude, tandis que Raffles rentrait dans la tribune. Mon ennui ne fit qu'augmenter en apercevant le jeune Crowley et son père se rencontrer, ce dernier hausser les épaules, s'arrêter et se baisser vers son fils pour lui annoncer une nouvelle qui sembla fort ennuyer le jeune homme. C'était peut-être de ma part une méprise, mais je ne pus m'empêcher de penser que cet ennui leur venait de ce qu'ils n'avaient pu s'assurer la présence du fameux Raffles, sans avoir aussi celle de son insignifiant ami. Enfin la cloche sonna, et je montai à la tribune pour voir Raffles lancer la boule. De ce point, on ne perd aucune des finesses du jeu, et si jamais un lanceur de boule en fit preuve, ce fut bien A.J. Raffles ce jour-là, ainsi du reste que se le rappelèrent tous les assistants. Il n'était pas nécessaire d'être soi-même un joueur pour apprécier l'habileté de sa direction, la merveilleuse souplesse de ses gestes, qui ne se démentit pas un instant, quelle que fût sa position, en un mot, sa prodigieuse élégance. Ce n'était pas chez lui une simple exhibition de force athlétique, mais un vrai régal pour l'intelligence, et je voyais le lien entre les deux choses. Cet après-midi-là, il luttait sans fatigue contre la fine fleur des professionnels de cricket. Ce que j'admirais, et ce dont je me rappelle, c'était le mélange d'adresse et de ruse, de patience et de précision, de travail de tête et de travail de corps, qui faisait de lui un artiste incomparable. C'était bien là le trait caractéristique de Raffles et que j'étais seul à connaître. « Je me sentais en veine, cet après-midi, dit-il, quand nous nous trouvâmes ensemble dans un cab quelques instants après. Si j'avais eu pour m'aider un bon lanceur de boules, j'aurais été merveilleux. Mais enfin, 3 bons et 41 sur 4 qui sont tombés, C'est là un joli résultat pour un lanceur ordinaire qui joue contre des professionnels. Je me sentais enragé. Rien ne me met plus hors de moi que de me voir invité à cause de mes talents au cricket, comme si j'étais moi-même un professionnel. « Pourquoi donc acceptez-vous » dis-je. « Pour les punir, et puis... »« Parce que nous serons à sec, Bunny, avant la fin de la saison. »« Ah » dis-je, « je pensais bien que c'était cela. »« Naturellement, c'était cela. » Il paraît qu'on aura une semaine endiablée, des bals, des dîners, des gens très chics, des réceptions ouvertes, et la maison sera évidemment remplie de diamants. Des diamants à foison. En règle générale, rien au monde ne me ferait abuser de l'hospitalité. Je ne l'ai jamais fait, Bunny. Mais dans ce cas, nous sommes simplement engagés comme des serviteurs aussi bien que les musiciens. Et par Dieu, nous prendrons nos honoraires. Allons dîner tranquillement quelque part et nous causerons. Tout cela me semble à vol assez vulgaire, ne puis-je m'empêcher de dire, et Raffles fut entièrement de mon avis. C'est en effet très vulgaire, dit-il, mais je n'y puis rien. Après tout, ces gens-là le méritent, et ils sont en situation de le supporter. Ne croyez pourtant pas que cela ira tout seul. Rien ne sera plus facile que de s'emparer de quelque chose, mais rien ne sera plus difficile que d'éviter les soupçons. Et pourtant, voilà ce qui est indispensable. Nous ne reviendrons peut-être qu'avec un bon plan de la propriété qui nous permettra de travailler plus tard. Qui sait, en tout cas, nous avons, vous et moi, plusieurs semaines de réflexion. Je ne vous étonnerai pas en disant que pendant les semaines suivantes, toutes les réflexions furent faites par Raffles, qui ne se donna pas la peine de me communiquer ses pensées. Ses réticences, cependant, ne m'irritaient plus. Je commençais à les accepter comme une condition nécessaire de ces petites entreprises, et ma confiance en lui était devenue, surtout après le dénouement de notre dernière aventure, trop solide pour se trouver amoindrie par son manque de confiance envers moi. Je considère même son attitude comme étant due plutôt à l'instinct du criminel qu'à son opinion personnelle. C'était le lundi 10 août que nous devions nous trouver à Milchester Abbey, dans le comté de Dorset. Dès le commencement du mois, nous arrivions près de là, munis de notre attirail de pêche, avec l'intention d'acquérir une réputation de pêcheur émérite, d'explorer les environs, afin de pouvoir utiliser plus tard notre parfaite connaissance topographique du pays au cas où cette semaine serait pour nous sans résultat profitable. Raffles avait conservé une idée de derrière la tête qu'il ne devait me communiquer qu'à notre arrivée. Un jour, tandis que nous traversions un champ, il sortit de sa poche une balle de cricket et me fit jouer avec lui pendant une heure. Il en passa ensuite plusieurs autres à travailler avec moi sur la pelouse. Si je ne devais jamais devenir un bon cricketeur, au moins serais-je un joueur présentable. Les incidents commencèrent dès le lundi. Nous étions descendus quelques kilomètres avant Milchester à un petit embranchement. Surpris par une averse, nous dûmes nous réfugier dans une petite auberge sur la route. Un homme au visage sanguin, habillé avec une élégance du plus mauvais goût, y était attablé. À sa vue, Raffles recula sur le seuil et insista pour que, malgré la pluie, nous retournions à la gare. Il m'affirma que l'odeur de bière tournée qu'il avait sentie en entrant avait failli le renverser. Ses yeux baissés et ses sourcils froncés me firent bien deviner la contrariété qu'il venait d'éprouver. L'abbaye de Milchester est un bâtiment gris quadrangulaire perdu au milieu des bois touffus de ce riche comté. Ses fenêtres, brillamment illuminées, scintillaient dans la nuit quand notre voiture nous amena juste assez à temps afin de nous permettre de nous habiller pour souper. Nous avions passé, avant d'arriver, sous un grand nombre d'arcs de triomphe en construction et près des tribunes et des mâts de drapeaux élevés sur un champ de cricket à l'aspect très humide où Raffles m'affirma qu'il maintiendrait son renom. C'était à l'intérieur des bâtiments que se trouvaient les principaux préparatifs de fête. Un grand nombre d'invités étaient réunis et parmi eux plus de grands personnages que je n'avais jamais rencontrés ensemble. Je me sentais gêné. La pensée de nos secrets projets achevait de me troubler et de m'enlever le peu d'adresse que je me flattais parfois de posséder. Je me rappelle encore vaguement avec quel soulagement nerveux j'entendis enfin annoncer le dîner. Je donnai le bras à une jeune fille peu intimidante et je commençai par bénir le ciel de cette bonne fortune. Miss Melwich était tout simplement la fille du pasteur et on l'avait invitée afin que sa présence permît que les convives se trouvassent en nombre pair. Elle me le raconta avant même que le potage fût servi, et toute sa conversation porta l'empreinte de cette même candeur à vous apprendre tout ce qu'elle savait. Je n'eus qu'à écouter, acquiescer et me montrer satisfait. quand je lui eus avoué que je ne connaissais, même de vue, que très peu de personnes de la société, elle me fit part aussitôt de ce qu'elle savait sur chacun d'eux, en commençant par la gauche et en terminant par son voisin de droite. Cela dura un bon moment, et cela m'intéressa réellement, mais il n'en fut pas de même quand, dans le but de rattraper au vol mon attention vagabonde, Miss Melwich me demanda tout à coup, dans un murmure, si j'étais capable de garder un secret. Je lui répondis affirmativement, et elle me posa une nouvelle question d'une voix basse et frissonnante. « Avez-vous peur des voleurs ?»« Des voleurs ?» Elle m'avait tiré de mon apathie. Le mot me fit sursauter. Je le répétai avec un accent d'horreur. « Enfin, j'ai donc trouvé quelque chose qui vous intéresse, » dit Miss Melwich avec un accent de triomphe naïf. « Oui, des voleurs. Mais ne parlez pas si haut, car on suppose que c'est un grand secret. Mais vraiment, je ne devrais pas vous le dire. » « Pourquoi cela ? » murmurai-je avec impatience. « Vous me promettez le secret ?»« Bien entendu. Eh bien, il y a des voleurs dans les environs. Ont-ils déjà commis quelques vols ? Pas encore. Alors comment le savez-vous ? On les a vus dans le comté. Ce sont deux voleurs bien connus à Londres. » « Deux ? » Je regardai Raffles. Je l'avais souvent fait pendant la soirée, car j'enviais sa gaieté, son calme, son esprit joyeux, son aisance absolue, son sang-froid. Mais maintenant je le plaignais. Oui, malgré ma propre terreur et ma consternation, je le plaignais en le voyant ainsi manger, boire, rire et bavarder, sans une ombre de crainte ou d'embarras sur sa figure diaboliquement belle. Je saisis ma coupe de champagne et la vidai d'un trait. « Qui les a vus ? » demandai-je avec calme. « Un détective. Voilà plusieurs jours qu'on les poursuit depuis Londres. On croit même qu'ils ont des intentions sur l'abbaye. Pourquoi ne les arrêtons pas ? C'est justement ce que je demandais à mon père en venant ici ce soir. Il m'a dit qu'on n'avait pas de mandat contre eux en ce moment, et que tout ce qu'on pouvait faire était de surveiller leurs mouvements. Ah, on les surveille avec soin ? Oui, il y a un détective qui est venu si spécialement dans ce but, et j'ai entendu Lord Amersteth dire à mon père qu'on les avait vus cet après-midi à la gare d'embranchement de Warwick. C'était l'endroit même où Raffles et moi avions été surpris par l'averse. Notre départ précipité de la berge m'était tout expliqué. Rien désormais ne me surprendrait. Je parvins cependant à la regarder en face avec un sourire. « C'est vraiment palpitant, Miss Melwich, » déclarai-je. « Puis-je savoir comment vous êtes au courant de tout cela ?»« Par mon père, » me répondit-elle d'un ton confidentiel. Lord Amersteth lui a demandé son avis et mon père m'a naturellement demandé le mien. Mais pour l'amour de Dieu, n'en soufflez mot. Je me demande quelle idée m'a poussé à vous raconter tout cela. Vous pouvez avoir confiance en moi, Miss Melwich. Mais n'avez-vous pas peur des voleurs ? Miss Melwich se mit à rire. Pas le moins du monde. Ils ne viendront pas chez nous, car il n'y a rien qui puisse les tenter. Mais jetez les yeux autour de la table. Voyez les diamants. Regardez combien vaut seulement la rivière de la vieille Lady Melrose. La marquise douairière de Melrose était une des rares personnes de la société qu'il n'avait pas été nécessaire de me faire connaître. Elle était assise à la droite de Lord Amersteth, jouant avec son cornet acoustique, sablant le champagne avec sa liberté accoutumée. C'était la vieille dame la plus aimable qu'il fût possible de voir. La rivière qu'elle portait était composée de diamants et de saphirs, et se soulevait et s'abaissait à chaque mouvement de sa gorge opulente. « On dit qu'elle vaut au moins 5 000 livres sterling, » continua ma voisine. Lady Margaret me le disait encore ce matin. C'est elle qui se trouve à côté de votre ami, M. Raffles, vous savez. Et cette vieille dame tient à la porter tous les soirs. Pensez qu'elle aubaine, cela serait. Non, décidément, il n'y a pas de danger qu'on vienne nous voler au presbytère. Quand les dames se retirèrent, Miss Melwich me fit promettre une dernière fois de lui garder le secret. Et elle me quitta avec quelques remords de son indiscrétion, mais avec encore plus de satisfaction de l'importance qu'elle s'était sans doute donnée à mes yeux. Mon opinion peut paraître empreinte de quelque vanité, mais en réalité, les sujets de conversation ont la plupart du temps, comme point de départ, le désir bien humain de faire frémir son auditeur. Et Miss Melwich avait la spécialité de vouloir obtenir ce résultat. Elle avait du reste fort bien réussi avec moi. Je vous fais grâce de mes pensées pendant les 2 heures qui suivirent. J'essayai en vain de parler à Raffles, mais je ne pus y réussir. Dans la salle à manger, lui et le jeune Crowley allumaient leurs cigarettes à la même allumette et ils causaient tout le temps. Dans le salon, j'avais la douleur de l'entendre débiter des banalités dans le cornet acoustique de Lady Melrose qu'il avait connu à Londres. Enfin, dans la salle de billard, où l'on jouait une poule interminable, je m'assis à l'écart et je m'ennuyais royalement en compagnie d'un gentleman écossais des plus sérieux, qui, arrivé après dîner, n'ouvrit la bouche que pour parler des progrès dans la photographie instantanée. Il ne devait pas jouer dans les matchs, me dit-il, mais il avait obtenu de Lord Amersteth la permission de prendre des groupes de joueurs des séries de photographies telles qu'on n'en aurait jamais vues. Était-ce comme professionnel ou comme amateur, je ne pus le déterminer. Je me rappelle cependant avoir fait tous mes efforts pour apporter une attention soutenue à la conversation de cet ennuyeux personnage. Enfin, l'épreuve se termina, les verres se vidèrent, les hommes se souhaitèrent le bonsoir, et je suivis Raffles dans sa chambre. « Tout est par terre, » murmurai-je, tandis qu'il ouvrait le gaz et que je fermais la porte. « Nous sommes surveillés. On nous suit depuis Londres. Il y a un détective ici. »« Comment le savez-vous ? » demanda Raffles, se retournant vers moi vivement, sans la moindre frayeur. Je lui racontai ce que je savais. « Naturellement, » ajoutai-je, « c'était l'homme que nous avons vu à l'auberge cet après-midi. »« Le détective ?» dit Raffles. « Vous êtes donc incapable de reconnaître un détective, Banny ?»« Si ce n'était pas lui, qui est-ce donc ?» Raffles secoua la tête. « Pensez que vous venez de causer avec lui pendant une heure dans la salle de billard et que vous n'avez pas deviné qui il était. » « Le photographe écossais ?» Je m'arrêtai stupéfait. « Il est en effet écossais, » dit Raffles, « et il peut être photographe aussi. Il est également l'inspecteur Mackenzie de Scotland Yard, celui-là même auquel j'ai envoyé un petit mot pendant la fameuse nuit d'avril dernier. Vous êtes resté une heure avec lui sans deviner qui il était. Oh, Bunny, Bunny, vous n'étiez pas né pour le crime. » Mais si cet homme est Mackenzie, quel était donc l'homme qui vous a fait fuir à Warwick ? C'est l'homme même qu'il file. Mais c'est nous qu'il file. Raffles me regarda avec un air de pitié et secoua la tête avant de me tendre son étui à cigarette. J'ignore s'il est défendu de fumer dans sa chambre, mais vous feriez bien de prendre une cigarette et de vous tenir ferme, Bunny, car je vais vous insulter. Je me servis en riant. Dites ce que vous voudrez, mon cher ami, si ce n'est pas nous que file Mackenzie. Eh bien non, ce n'est pas nous, cela est impossible, et personne d'autre que vous, Bunny, n'eût pu le supposer un seul instant. Pouvez-vous croire qu'il resterait là à regarder l'homme qu'il surveillerait jouer une poule sous son nez ? Il le pourrait, car c'est un homme de sang-froid, Mackenzie, mais moi, je n'en aurais pas assez pour gagner la poule dans ces conditions. Du moins, je ne le crois pas. Et ce serait même intéressant de s'en assurer. Je sentais malgré tout que la situation était délicate, tout en sachant bien qu'il ne s'occupait pas de nous. Crowley, après le dîner, m'avait tout raconté. Voyez-vous, et cet après-midi, j'avais vu un des individus en question. Vous pensiez que c'était à cause de la présence d'un détective que j'avais quitté l'auberge. Je ne sais vraiment pas pourquoi je ne vous l'ai pas dit au moment. C'est précisément le contraire. Cette brute à la face rougeaude est un des voleurs les plus adroits de Londres. J'ai pris un jour un verre avec lui et notre commun receleur. J'étais habillé en voyou des pieds à la tête à ce moment-là, mais vous comprenez que je ne vais pas courir la chance d'être reconnu par un animal pareil. Il n'est pas seul, m'a-t-on dit. C'est certain. Il a au moins un compagnon avec lui, et on croit bien qu'il a un complice dans la maison. C'est Lord Crowley qui vous l'a dit. Crowley, le champagne aidant. C'est une confidence analogue à celle de votre jeune fille. Mais même en confidence, il n'a pas dit un mot de Mackenzie. Il m'a bien affirmé qu'il y avait un détective dans la coulisse et c'est tout. Puisqu'on le traite comme un invité, c'est un secret qu'on ne dit évidemment pas aux autres invités, car cela pourrait les offenser. Et qu'on cache aussi soigneusement aux domestiques, puisqu'il est là aussi pour les surveiller. Voilà comment je définis la situation, Bunny. Et vous tomberez d'accord avec moi pour conclure qu'elle est beaucoup plus intéressante que nous ne l'aurions imaginé. Oui, mais infiniment plus difficile pour nous, dis-je avec un soupir de crainte non apaisé. En tout cas, nos mains sont liées pour toute la semaine. Ce n'est pas sûr, mon cher Bunny, bien que j'admette que les chances nous soient contraires. Et encore, je n'en suis pas absolument certain. Il y a toutes sortes d'hypothèses dans ces sortes d'affaires. Supposons que A soit chargé de la surveillance de B, il n'aura pas la possibilité d'avoir l'œil sur C. Voilà la théorie véritable. Mais Mackenzie est un A très fort et je serais désolé d'avoir du butin sur moi avec un homme pareil dans la maison. Pourtant, ce serait une bonne affaire de pouvoir glisser entre A et B et de les rouler tous les deux. Cela vaut bien le coup, Bunny. Oui, ce serait vraiment superbe de soulever l'affaire à de vieux professionnels comme B et ses complices. Hé, Bunny, ce serait un véritable match. gentleman contre professionnel. Ses yeux étaient plus brillants que je ne les avais vus depuis bien des jours. Ils avaient tout l'éclat de l'enthousiasme pervers qu'éveillait en lui l'idée fixe d'un nouveau coup d'audace. Il enleva ses souliers et commença à déambuler silencieusement dans la chambre. Il n'avait jamais en ma présence paru aussi excité depuis la fameuse nuit du dîner des vieux bohèmes où avait paru Robin Rosenthal, et je ne fus pas fâché de me rappeler à ce moment le fiasco dont ce dîner avait été le prélude. « Mon cher ami, commençai-je dans le même ton que lui, vous aimez trop les parties difficiles et vous serez fatalement la victime de votre esprit sportif, et voilà tout. Que notre dernière expédition vous serve de leçon, et volez plus bas, si vous tenez à votre peau. Étudiez la maison tant que vous le voudrez, mais n'allez pas vous mettre la tête dans la gueule de Mackenzie. » La richesse de ma métaphore le fit s'arrêter, sa cigarette entre les doigts, et un sourire passa dans ses yeux brillants. « Vous avez tout à fait raison, Bunny. Je ne le ferai pas, non, je ne le ferai certes pas. Et pourtant, vous avez vu la rivière de la vieille Lady Melrose. Je la désire depuis des années, mais sur mon honneur, je ne le ferai pas. Et pourtant, par Dieu, couper l'herbe sous le pied des professionnels et aussi des Mackenzie. Ce serait le grand jeu, Bunny, ce serait le grand jeu. Eh bien, il ne faut pas le jouer cette semaine. Non, je ne le jouerai pas. Mais je me demande comment nos professionnels vont faire leur travail. Voilà ce qu'il faudrait savoir. Je me demande s'ils ont réellement un complice dans la maison. Comme je serais heureux de connaître leur jeu. Mais c'est égal, Bunny. Ne soyez pas inquiet. Je ferai tout ce que vous désirez. Et sur cette assurance, je regagnai ma chambre et mon lit, le cœur considérablement allégé. Il y avait encore assez d'honnêteté en moi pour que ce simple retard à nos crimes fût le bienvenu, et me permit de redouter leur accomplissement et d'en déplorer la nécessité. Cette simple remarque prouve tout simplement que j'étais un homme d'un caractère plus faible que Raffles, tout en étant aussi perverti que lui. Je possédais cependant une qualité maîtresse, c'était de pouvoir entièrement chasser de mon esprit les considérations désagréables qui n'avaient pas trait au moment présent. Grâce à cette faculté, il m'était possible de continuer à Londres ma vie frivole avec la même insouciance que je l'avais menée l'année précédente. Ici même, à Milchester, pendant cette semaine si redoutée du cricket, je passais d'excellents moments. Il est vrai qu'il y avait d'autres facteurs dans le plaisir que me causait la remise de l'affaire. D'abord, chose étonnante, il y avait sur le terrain du cricket des gens plus maladroits que moi. Dès le commencement de la semaine, c'est-à-dire au moment le plus opportun, j'eus une chance inespérée. Une balle dont je n'avais entendu que le sifflement tomba juste dans ma main, et Lord Amarteth lui-même m'adressa des félicitations publiques. Je rebondis sur la réputation de ce coup. Comme rien ne vous pose comme le succès, et comme l'encouragement constant que me donnait le joueur le plus émérite du camp agissait sur moi comme un stimulant, je fis des merveilles. Miss Melwich me tint les propos les plus flatteurs au bal qu'on donna à l'honneur de la majorité du jeune Crowley. Elle me dit également que c'était assurément cette nuit-là que les voleurs tenteraient leur coup. Elle affecta même les craintes les plus vives, tandis que nous étions assis ensemble dans le jardin et que l'abbaye entière brillait illuminée dans la nuit. Pendant ce temps, le tranquille Écossais faisait tous les jours des photographies innombrables qu'il développait la nuit dans un cabinet noir admirablement situé dans l'aile du bâtiment réservé aux domestiques, et je suis persuadé que deux personnes seulement parmi les invités savaient que M. Clefton of Dundee était l'inspecteur Mackenzie de Scotland Yard. La semaine devait se terminer le samedi par un match de consolation, et deux ou trois d'entre nous avaient l'intention de partir de bonne heure afin de se trouver à Londres le soir même, mais ce match ne fut jamais joué. Aux premières heures du samedi matin, un drame se déroulait à l'abbaye de Milchester. Ma chambre s'ouvrait sur la galerie centrale. Je ne couchais pas au même étage que Raffles, qui se trouvait, je crois, avec tous les autres célibataires. En somme, on m'avait placé dans le cabinet de toilette d'un des appartements, et mes plus proches voisins étaient la vieille Lady Melrose, mon hôte et sa femme. Le vendredi soir, les fêtes proprement dites étaient terminées, et pour la première fois de la semaine, j'étais profondément endormi depuis minuit, lorsque tout à coup je me trouvais assis dans mon lit tout haletant. Un poids très lourd s'abattit contre ma porte, et j'entendis une respiration pénible ainsi qu'un bruit de pas étouffé. « Je vous tiens !» murmura une voix. ce n'est pas la peine de vous débattre. » C'était la voix du détective écossais, et une crainte nouvelle me glaça d'épouvante. Il n'y eut pas de réponse, mais la respiration devint plus pénible, et les pieds enveloppés battirent le parquet avec plus de vigueur. Affolé, je sautai du lit et j'ouvris ma porte. Le gaz baissé éclairait faiblement le palier, et j'aperçus Mackenzie dans un silencieux corps à corps avec un robuste adversaire. « Tenez cet homme » cria-t-il en me voyant. « Tenez ce bandit !» Mais je restai là comme un imbécile jusqu'au moment où les hommes arrivèrent sur moi. Alors, avec un soupir de soulagement, je me jetai sur l'homme dont je venais d'apercevoir la figure. C'était un des valets qui nous servait à table, et je ne l'eus pas plutôt saisi que le détective le lâcha. « Tenez-le bien, cria-t-il, il y en a d'autres en bas !» Et il descendit l'escalier 4 à 4, tandis que d'autres portes s'ouvraient et que Lord Amersteth et son fils arrivaient simultanément en costume de nuit. Aussitôt, mon homme cessa toute résistance, mais je le tins solidement, tandis que Crowley ouvrait le gaz. « Que diable est tout ceci ?» demanda Lord Amersteth, les yeux à peine ouverts. « Qui vient donc de descendre les escaliers ?»« McLefane, » dis-je vivement. « Ah hein, » dit-il en se tournant vers le valet. « Alors c'est vous la canaille, c'est bien fait, c'est bien fait. Où a-t-il été pris ?» Je n'en avais aucune idée. « La porte de la chambre de Lady Melrose est ouverte !» s'écria Crowley. « Lady Melrose ! Lady Melrose !»« Vous oubliez qu'elle est sourde, » dit Lord Amersteth. « Ah, voici sa femme de chambre !» Une porte intérieure s'ouvrit, et un instant après on entendit un petit cri, et une personne vêtue de blanc se mit à gesticuler sur le seuil. « Où est donc l'écrin de Madame la Marquise ? La fenêtre est ouverte, il a disparu !»« La fenêtre ouverte ? L'écrin disparu ?» s'écria Lord Amersteth. « Mais comment va Madame la Marquise ? Est-elle bien ?»« Oui, my lord, elle dort. »« Elle dort au milieu de tout ce bruit, » dit Lord Amersteth. « Elle est bien seule, alors. »« Pourquoi Mackenzie, Clefane, est-il parti ?» me demanda le jeune Crowley. « Il a dit qu'il n'y en avait d'autres en bas. » « Qu'au diable ne l'avez-vous pas dit plus tôt ? » s'écria-t-il, et il descendit rapidement à son tour. Il ne tarda pas d'être suivi par la bande des cricteurs qui arrivaient ensemble pour se mettre aussitôt en chasse. Raffles était avec eux, et j'aurais été heureux de les suivre si le valet n'avait pas choisi ce moment pour me pousser loin de lui et prendre la fuite dans la direction opposée. Lord Amersteth le saisit en un instant, mais la brute lutta désespérément où nous ne fûmes pas trop de deux pour le traîner dans l'escalier au milieu des cris de terreur qui s'échappaient des portes entr'ouvertes. Enfin, nous pûmes le remettre entre les mains de deux autres valets qui arrivèrent avec leurs chemises de nuit à peine rentrées dans leurs pantalons. Mon hôte me remercia, tandis que nous nous dirigeons vers l'extérieur. « Il me semble avoir entendu un coup de feu, » ajouta-t-il. « Et vous ?» Il me semble en avoir entendu trois. Nous sortîmes vivement dans l'obscurité. Je me rappelle combien le gravier me blessait les pieds et combien l'humidité du gazon me donnait l'onglet, tandis qu'en suivant la pelouse, nous nous dirigeons vers le bruit des bois. La nuit était si noire que nous nous trouvions au milieu des joueurs avant d'avoir aperçu les couleurs claires de leurs vêtements. Lord Amersteth marcha presque sur le corps de Mackenzie qui était allongé dans la rosée. « Qu'est ceci ? Cria-t-il. Qu'est-il arrivé ? C'est Clefane, dit quelqu'un en s'agenouillant près de lui. Il a reçu une balle. Est-il vivant ? À peine. Dieu de Dieu, où est Crowley ? Me voici, dit une voix essoufflée. C'est inutile, mes amis. Il est impossible de découvrir le chemin qu'ils ont pris. Voici Raffles, qui a renoncé lui aussi. Et ils arrivaient en courant, exténués. Eh bien, nous en tenons un, au moins, murmura Lord Amersteth. « La première chose à faire, c'est de faire entrer ce pauvre homme. Que l'un de vous le prenne sous les épaules, un autre par le milieu du corps. Joignez vos mains par-dessous. Allons, ensemble. Voici le chemin. » Pauvre homme. Il ne s'appelle pas Clefane. C'est un détective de Scotland Yard venu ici pour filer ses bandits. Raffles fut le premier à exprimer sa surprise, de même qu'il fut le premier à soulever le blessé, et parmi ceux qui formaient la lente procession, personne n'avait une main plus douce et plus forte à la fois. Peu de temps après, on étendit le malheureux sans connaissance sur le sofa de la bibliothèque. Quand on lui eut mis de la glace sur sa blessure et qu'on lui eut fait prendre un peu de cognac, il ouvrit les yeux et ses lèvres remuèrent. Lord Amersteth se baissa pour recueillir ses paroles. « Oui, oui, dit-il, nous entendons l'animal que vous avez arrêté en haut. » Lord Armstrong se baissa encore davantage. « Par Dieu, il a jeté l'écrin par la fenêtre, n'est-ce pas? Ce sont eux qui l'ont emporté. C'est bien, c'est bien. Espérons que nous pourrons sauver ce pauvre garçon. Allons, le voilà de nouveau sans connaissance. » Une heure après, le soleil se leva. Une douzaine de jeunes gens se tenaient assis dans la salle de billard, buvant du whisky et du soda, avec leurs pardessus jetés sur leurs costumes de nuit et causant ensemble avec animation. Un indicateur des chemins de fer passait de main en main. Le docteur était encore dans la bibliothèque. Enfin, la porte s'ouvrit et Lord Amorstes fit son apparition. « Il y a de l'espoir, dit-il, mais c'est très grave. Il n'y aura pas de cricket aujourd'hui. » Une heure après, la plupart d'entre nous étaient en route pour tâcher d'attraper le train du matin. À nous tous, nous remplissions un compartiment. Nous parlions de l'événement de la nuit, et on me complimentait comme un héros d'avoir maintenu le bandit arrêté. Mon orgueil était immense. Raffles me regardait de côté, les yeux baissés. Nous n'avions pas échangé un mot, et nous n'en échangeâmes pas jusqu'à ce que nos compagnons nous eussent quittés à Paddington. Nous traversâmes rapidement les rues dans un hansom à roues caoutchoutées pourvu d'une joyeuse sonnette. « Eh bien, Bunny, dit Raffles, ce sont les professionnels qui l'ont, hein ?»« Oui, dis-je, j'en suis charmé. » De ce que ce pauvre Mackenzie a ramassé une balle dans les poumons? Non. De ce que vous et moi, pour une fois, nous nous soyons trouvés du côté des honnêtes gens. Il haussa les épaules. Vous êtes désespérant, Bunny, tout à fait désespérant. Vous n'auriez certainement pas refusé votre part dans le butin s'il nous était échu. Et vous êtes positivement heureux d'avoir manqué l'affaire. J'avoue cependant que la méthode des professionnels m'a vivement intéressé, et moi, personnellement, j'ai gagné en expérience que j'ai perdu autrement. Cette idée de jeter l'écrin par la fenêtre a été une idée très simple et très pratique. Ils étaient deux, à l'attendre en bas depuis des heures. « Comment le savez-vous » demandai-je. « Je les ai vus de ma fenêtre qui se trouvait juste au-dessus de celle de la vieille dame. Cette rivière de diamants m'agaçait quand j'allais me coucher la nuit dernière, et je me mis à regarder par la fenêtre. En vérité, c'était pour m'assurer si celle d'en bas était ouverte, et s'il y avait la moindre chance de descendre en me servant d'un drap comme corde. J'avais pris la précaution de baisser d'abord ma lumière, et ce fut d'ailleurs très heureux. Je vis les professionnels qui attendaient en bas, mais eux ne purent me voir. Je distinguai d'abord un petit disque lumineux qui brilla un instant. Je le revis quelques minutes après. Naturellement, je compris ce que c'était, car moi-même, j'ai enduit le verre de ma montre d'un vernis lumineux, ce qui permet de s'en servir comme d'une petite lanterne quand on n'en a pas de meilleure. Eux ne s'en servaient pas comme de lanterne. Ils étaient placés sous la fenêtre de la vieille dame et ils surveillaient l'heure. Toute l'affaire était préparée avec leurs complices de l'intérieur. « Et vous n'avez rien fait ? » m'écriai-je. « Au contraire, je suis descendu et je suis entré dans la chambre de Lady Melrose. Vous ? » ?»« Sans un moment d'hésitation, pour sauver ses bijoux. J'étais préparé à le crier assez fort dans son cornet acoustique pour que toute la maison l'entendît, mais la chère dame était trop sourde et aime trop son dîner pour se réveiller facilement. Eh bien, elle n'a pas bronché. Et pourtant, vous avez laissé ces professionnels, comme vous les appelez, s'emparer de ses bijoux et craignez tout, tout, excepté ceci, dit Raffles en posant sa main sur mes genoux. Je vous l'aurais déjà montré, mais vraiment, mon cher, votre figure a fait mon admiration toute la journée. Il ouvrit la main, la referma de suite sur une poignée de diamants et de saphirs que j'avais vue pour la dernière fois autour du cou de Lady Melrose.